soir, y'aura du monde sur le parking. Des Johnny et des John Birkin. Comme chaque soir, la soirée va bien commencer. Quelques vénards vont même s'enlacer. Puis la soirée poursuivra son envol. Bien sûr, bien aidé par l'alcool. Puis crescendo, ça va se gâter. La musique dans la tête fera plus le même effet. C'est sur le parking que ça va se régler. Oh hi, bousculade puis coup de pied. Supplication pour pas être achevé. Hurlement, caillard, instinct de liberté. Puis par la suite, ils reprendront la route. Même s'ils sont sous, ils diront qu'ils tiennent la route. Mais manque de peau, ils manqueront le virage. Extinction puis mirage. C'est dans l'ombre les soirs que tous les vies se déhanchent. Certains scams brûlent le shit quand d'autres disent. Dans ce trou noir, beaucoup n'ont plus de repères. Le mal guette et tout va de pire en pire. C'est dans l'ombre du soir que tous les vies se déhanchent. Certains scams brûlent le shit quand d'autres disent. Dans ce trou noir, beaucoup n'ont plus de repères. Le mal guette et tout va de pire en pire. Ce soir, y'a du sang sur la colline. C'est le sang de la petite colline. Elle est ventrée jusqu'à la poitrine. Dissimulée sous un tas d'épines. 3 heures avant, elle était en soirée. C'était la fièvre du samedi soir. Et comme chaque soir, elle dansait reggae. Dans tous les sens, elle se remuait. La musique était bonne et les spots l'amusaient. Puis elle a rencontré le mauvais garçon. Celui-là même qui séduit et qui fait perdre la raison. Il lui a dit petite, je te raccompagne. Faut juste que je fasse un petit détour. J'ai un frère, faut que je récupère du champagne. Comme une idiote, elle l'a suivi. Loin de se douter que ça serait au prix de sa vie. Maintenant elle est tendue sur le sol froid. Il fait froid ici-bas. Il fait froid, il fait froid. C'est dans l'ombre les soirs que tous les vies se déhanchent. Certains scams brûlent le shit quand d'autres disent. Dans ce trou noir, beaucoup n'ont plus de repères. Le mal guette et tout va de pire en pire. C'est dans l'ombre du soir que tous les vies se déhanchent. Certains scams brûlent le shit quand d'autres disent. Dans ce trou noir, beaucoup n'ont plus de repères. Le mal guette et tout va de pire en pire. C'est dans l'ombre du soir que tous les vies se déhanchent. Certains scams brûlent le shit quand d'autres disent. Dans ce trou noir, beaucoup n'ont plus de repères. Le mal guette et tout va de pire en pire. C'est dans l'ombre du soir que tous les vies se déhanchent. Certains scams brûlent le shit quand d'autres disent. Dans ce trou noir, beaucoup n'ont plus de repères. Le mal guette et tout va de pire en pire.